final, elles sont faites seules. Mais sales comme nos mères pour les garder sous le sol. On aime les sous-sales. À longueur de journée, en bas, ça siffle. Et j'ai plus de souffle qu'il suffit pour gonfler. En un coup, le ballon de foot, j'en ai rien à foutre. Alors j'insiste à foutre le sou. Je prends la vie à sec, on me voit comme un insecte. Alors que j'ai l'ambition d'être plus gros que le mammouth. T'es KO, t'es à out. Mais tu vois bien que je m'entête à te mettre des shoots qui choquent et entre-choquent. Ils te rappellent électrochoc. Original, j'avais sur la dalle. Moi je rappe et toi ta balle. Si tu sais lire entre les lignes, tu rigoles. Mais moi j'ai la dîme pour le summum. Un peu de seum, une 8-6. Ensuite je prends la caille, faut hurler, mais verser. Rentre si je te parle, des vraies grosses têtes qui méritent qu'on les vende. Skerda, Skerda, la verda, Che Guevara. Voilà enfin des bonnes cobards qui font trembler la terre. On mue la tête pour les facs. Tony s'est fait baiser par la mafia colombiana. Venga, no soy uno gringo. No más uno chico. La Skerda es mi punto de visio politico. Gameto, yo, original MC, original Vida Loca, mais de pays, France, Colombie, tu connais, amigo, traficante, je viens dérailler le rap français. Chavez, original MC, trop posé, trop causé, trop osé, je suis alti derrière un MIT. Llego como todo el respeto a diferencia, presencia de espíritu en sitio. Chávez en el plata, yo arriba la que el granitar. Al hielo, al fin dejar de tratados. Chávez Felipe se la clase sobre el título original. Para que tú su baile sin complejos, sin estrés. Exercice de style, lorsque je monte sur le film, c'est la nuit dans ma ville, c'est mon île. Lorsque les sirènes retentissent, j'écris ce que je vis, c'est bagarre, feuillette, je feuillette mon cahier. Je regarde 2-3 lignes, branche en ligne, Felipe Redil, avalanche de lyrics, trop béton, terre à terre, MC intérimaire, secteur sectaire, primo, le rap depuis la primaire, dans le cœur, la prière, la crémo pour les faux frères, dans les affaires latino, tous prajourés sur nos mères, sur la soie de synthé, ça jure sur les verres, et je te jure, frère, dans la paire, pas de petite maison dans la prairie, notre avis premier, primaire attaqué, la cour des milagros, ouais gros, une fois les mitras qui est tué, tu peux manger, une fois la brèche recollée, tu peux tenter de percer avec foi, tu peux prendre une paire de colliers, MC original, ok, siempre, OP, ok, oye. Original, j'adresse sur la balle, moi je rappe et toi ta balle. Si tu sais lire entre les lignes, tu rigoles, mais moi j'ai la guine pour le summum. Un peu de seum, une 8-6. Ensuite tu prends la gaille, tu hurles en verse. En verse, ok, qui est Joss, Vitor Arrefo, Daniel Nicolas Fon, Yo, El Nicho, Repito. Original, parlamos latino, cristianité, preso, guaitado, Babylon, Quirento, Arparato, Domejante, Domerica Latina, Bolivia, Kenyan, Conquí. Jamaica, Perú, Argentina, todos en la misma falta de onda, de barrio. Chávez, C-H-A-V-E-Z.